La 6e conférence des ministres des sports s'est tenue en Russie du 13 au 15 courant. Dans son discours, le ministre coréen des sports qui conduit la délégation a dit notamment « Améliorer la santé du peuple et développer les sports pour faire du pays une puissance sportive et hautement civilisée, voilà la politique du gouvernement coréen et l'aspiration de son peuple. » Actuellement, les activités sportives en Corée se trouvent confrontées à des difficultés à cause des mesures de sanctions onusiennes injustes suscitées par les États-Unis. Sous prétexte du problème nucléaire, les forces hostiles, les États-Unis en premier lieu, ont adopté depuis 2006 les résolutions illégales du Conseil de sécurité de l'ONU sur la sanction contre la Corée. En mars 2016, ils ont adopté de façon coercitive la résolution numéro 2270 qui ajoute sur la liste même des articles de luxe et jusque du matériel sportif de masse. En vertu des résolutions en question, certains pays empêchent de nous vendre du matériel sportif comme ski, cross de hockey sur glace, chaussures d'ascension, fusées et cartouches, arcs et flèches, et de sortir des moyens sportifs dont les ligues de sport internationales font don à titre gratuit. Ils n'autorisent pas non plus le visa pour les équipes sportives ou membres de délégations coréennes sous de tels ou tels prétextes, dressant ainsi des obstacles délibérés à la participation aux matchs internationaux et à d'autres activités sportives. Devant cette situation anormale, le monde devra connaître correctement que la sanction est un acte cruel et sauvage anti-humain et opposé à la civilisation, visant à détruire la civilisation moderne et à faire retourner le monde vers un monde ténébreux du Moyen-Âge. Le gouvernement coréen renforcera sa coopération avec les organisations internationales et les pays du monde dans ses efforts pour observer la charte olympique et de sorte que les sports en Corée contribuent au développement durable et à la paix dans le monde, conformément aux déclarations et résolutions de la conférence des ministres des sports.